Analyse du 5 septembre 2022 par Thierry Pirlo, Sharpawan. Les 9 voiles placées sur chaque âme humaine. Voici une analyse très intéressante racontée par Daniel Glade. Il y a près d'une décennie, un de mes chers amis et collègues, Don Harkins, m'a écrit un magnifique ouvrage de réflexion intitulé « L'esclavage et les 8 voiles ». Avant la mort prématurée de Harkins, nous avons discuté de cette théorie des 8 voiles pendant des heures entières et finalement, Don m'a demandé d'écrire un article à ce sujet pour son journal The Idaho Observer. Il a fait cela parce que j'avais partagé une grande partie de mes recherches avec Don et nous sommes arrivés ensemble à la conclusion qu'en réalité, il n'y a 9 voiles placées sur l'âme humaine, c'est-à-dire l'intelligence. La progression spirituelle et donc la pleine connaissance de la vérité nécessiterait le perçage de ces 9 voiles. J'ai plaisanté avec Don sur le fait que ce sujet prendrait une édition entière de Idaho Observer et qu'il ne ferait qu'effleurer la surface. C'était là l'un des talents éditoriaux de Don, prendre une histoire complexe et la comprimer dans un format plus lisible. À la mémoire de Don Harkins, voici l'écriture dont nous avons discuté dans un format aussi compressé que possible. Pourquoi 9 voiles au lieu de 8? Alors tout chercheur dévoué, avide de vérité, finit par tomber sur l'incroyable symétrie et la structure des mathématiques qui est particulièrement vraie dans la géométrie fractale impliquant les entiers 1 à 9. Pour un exemple très simple, il suffit de regarder ces 9 équations. Et comme il faut visualiser ces équations pour le croire, nous vous mettrons en descriptif le tableau. Merci de votre compréhension. Après avoir regardé les schémas que nous avons mis en description, ne trouvez-vous pas cela incroyable? Je trouve très intéressant, en outre, que tous les grands philosophes de l'histoire, comme Archimède, Copernic, Socrate et Da Vinci, et étaient des mathématiciens d'abord et avant tout. Je soumets que tout de la prophétie biblique au brin d'ADN soit construit et basé sur des formules et modèles mathématiques assez simples, mais je suis en avance sur l'histoire car la compréhension du rôle des mathématiques est en soi l'un des 9 voiles cachées. Considérons aussi que les soi-disant écoles du mystère de l'Antiquité, dans les temples ombragés de Sumer et de Babylone, la Kabbalah avait montré le chemin vers l'ultime saint des saints, les révélations, révélations c'est-à-dire la séparation des voiles, de la vie, de la création, de Dieu, et lorsqu'elle est embrassée dans l'honneur et la vérité, des origines mêmes de l'homme. Il s'agissait de percer et d'embrasser systématiquement 9 niveaux de compréhension ou plateau de vérité avant d'entrer finalement dans le nirvana ou l'ultime unité avec Dieu, tel que décrit dans les tableaux de traçage moderne. Comme un jeu géant de sudoku, l'expérience humaine que nous appelons la vie tourne vraiment autour des nombres de 1 à 9 de tant de façons remarquables. Tout a sa place dans le système et tout s'insère parfaitement et précisément dans la grille éternelle du temps et de l'espace. Ceci n'est donc qu'une définition de la vérité, la connaissance cachée et obscure qui s'insère complètement dans la grille mathématique appelée logique. Yeshua, alias Jésus de Nazareth, l'a déclaré à ses disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi les gens ne peuvent pas voir la vérité? La meilleure façon de répondre à cette question est d'utiliser les sages paroles de Don Harkins écrites en 2000 ans et que voici. Au cours des dernières années, j'ai évolué et écarté plusieurs théories pour tenter d'expliquer pourquoi la plupart des gens ne voient pas la vérité, même lorsqu'elle les frappe au visage. Ceux d'entre nous qui peuvent voir la conspiration ont participé à d'innombrables conversations entre nous qui aborde la frustration de la plupart des peuples face à l'incapacité de comprendre les arguments extrêmement bien documentés que nous utilisons pour décrire le processus de notre asservissement et de notre exploitation collective. L'explication la plus courante est que la plupart des gens ne veulent pas voir ce qui se passe vraiment. Les hommes et les femmes extrêmement méchants, qui forment l'élite du pouvoir mondial, ont cultivé intelligemment un pâturage virtuel si vert d'herbe que peu de gens se donnent rarement la peine, sinon jamais, de regarder d'où ils broutent assez longtemps pour remarquer les étiquettes aux couleurs vives agrafées à leurs oreilles. Les mêmes personnes qui ne peuvent pas voir leur asservissement pour l'herbe des pâturages ont tendance à considérer comme fous les théoriciens du complot, ceux d'entre nous qui peuvent voir le passé de la ferme et le salon du château de sa seigneurie féodale. Enfin, je comprends pourquoi. Ce n'est pas que ceux qui ne voient pas que leur liberté disparaît sous la direction de l'élite du pouvoir ne veulent pas la voir. Ils ne peuvent tout simplement pas voir ce qui leur arrive à cause des voiles qui bloquent leur vue. Toutes les activités humaines sont un processus de filtration. Le sport en est un des meilleurs exemples. Nous pratiquons des sports spécifiques jusqu'à ce que nous soyons expulsés du terrain de jeu. Les athlètes professionnels, que nous payons beaucoup d'argent, ne sont jamais virés du terrain de jeu. Là où des millions d'enfants jouent à la petite ligue chaque printemps, ils sont éliminés jusqu'à ce qu'il y ait une cinquantaine de joueurs qui se rendent aux séries mondiales en octobre. Derrière le premier voile, il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la planète. La plupart d'entre eux vivent et meurent sans avoir sérieusement envisagé autre chose que ce qu'il faut pour maintenir leur vie ensemble. 90% de l'humanité vivra et mourra sans avoir percé le premier voile. Et en effet, on peut dire que moins de 1% des 7 milliards d'humains de la planète ont percé les 9 voiles. Il semblerait même que cette petite minorité ne cesse de rétrécir. Afin de garder les pâturages virtuels verts, l'élite mondiale réussit également à corrompre bon nombre de ceux qui ont percé de multiples voiles afin de détourner d'autres personnes qui pourraient s'approcher de la vérité dans de nombreux domaines. J'appelle cela de la simple prostitution intellectuelle, vendre le droit de naissance de la vérité universelle pour un gâchis de poterie sans valeur. La richesse dorée, la renommée et l'élévation sociale ont séduit de nombreux intellectuels doués. Tout le mérite revient à Don Harkins. Et voici la mise à jour des 9 voiles. Le premier voile. 10% d'entre nous perceront le premier voile et découvriront le vrai monde de la politique. Nous votons, devenons actifs et développons une opinion. Nos opinions sont façonnées par le monde physique qui nous entoure. Nous avons été conditionnés dès nos premiers jours dans l'éducation publique à accepter que les fonctionnaires du gouvernement, les personnalités des médias du réseau et d'autres experts soient les principales voix de l'autorité. 90% des membres de ce groupe vivront et mourront sans avoir percé le troisième voile. Le deuxième voile. 10% d'entre nous perceront également le deuxième voile pour explorer le monde de l'histoire, la relation entre l'homme et le gouvernement et la signification de l'autonomie gouvernementale par le biais de la Constitution et de la loi. 90% des membres de ce groupe vivront et mourront sans avoir percé le troisième voile. Le troisième voile. 10% de ceux qui perceront le deuxième voile finiront par percer le troisième voile pour découvrir de façon concluante que les ressources du monde, y compris les personnes, sont contrôlées par des familles extrêmement riches et puissantes, dont les actifs incorporés dans l'ancien monde sont devenus, avec les stratégies modernes d'extorsion de fonds, la base sur laquelle l'économie mondiale entière est actuellement endettée. 90% des membres de ce groupe vivront et mourront sans avoir percé le quatrième voile. Le quatrième voile. 10% perceront alors le quatrième voile pour découvrir les Illuminati, la franc-maçonnerie et les autres sociétés secrètes. Ces sociétés utilisent des symboles et pratiquent des cérémonies qui perpétuent les transferts générationnels de connaissances obscures qui servent à maintenir les gens ordinaires en servitude politique, économique et spirituelle aux lignées les plus anciennes de la Terre. 90% des membres de ce groupe vivront et mourront sans avoir percé le cinquième voile. Le cinquième voile. 10% progresseront pour percer le cinquième voile afin d'apprendre que les sociétés secrètes sont tellement avancées technologiquement que les voyages dans le temps et les communications interstellaires n'ont pas de frontières, que le contrôle de nos pensées et même de nos actions est quelque chose de désinvolte et normal. Comme à l'époque de Noé, cette technologie est même en train de créer des formes de vie synthétiques alors que l'homme cherche à remplacer Dieu. 90% des membres de ce groupe vivront et mourront sans avoir percé le sixième voile. Le sixième voile. 10% progresseront pour percer le sixième voile où nous apprenons que les dragons, les lézards et les extraterrestres, que nous pensions être les monstres fictifs de la littérature enfantine, sont bien réels et sont en réalité les forces qui contrôlent les sociétés secrètes découvertes dans le quatrième voile. 90% des membres de ce groupe vivront et mourront sans percer le septième voile. Le septième voile. 10% progresseront pour percer le septième voile où l'incroyable monde de la géométrie fractale et la loi universelle des nombres seront pleinement compris et embrassés. On montrera que la force créatrice de l'univers entier est liée à des formules et des séquences de codes numériques et que tous les mystères, y compris la structure même du temps, de l'espace, des univers parallèles et de l'accès à ceux-ci, sont déverrouillés. Ceux dont l'intelligence leur permet de percer le septième voile succombent souvent à l'appât et à la promesse de richesses massives offertes par l'élite au pouvoir. Ainsi, plus de 90% des personnes de ce groupe vivront et mourront sans percer le huitième voile. Le huitième voile. Percer le huitième voile révèle Dieu et l'énergie pure connu sous le nom d'amour, qui est la force pure de la vie dans tous les êtres vivants, qui sont un seul et même. L'humilité profonde est nécessaire pour percer ce voile. Le neuvième voile. Percer le neuvième voile signifie perfectionner la pure énergie connue sous le nom d'amour et devenir ainsi véritablement un avec Dieu et ses formulations. En perfectionnant cette énergie pure, on embrasse alors pleinement la charité et l'on acquiert une pleine compréhension du plan universel du sacrifice, de la mort et de la rédemption. La vie elle-même devient alors complète. On en vient vraiment au cercle complet. On regarde le monde à travers les yeux d'un enfant innocent, mais avec la sagesse la plus profonde, née de l'amour pur du huitième voile. Considérez ceci. Si cette théorie est correcte, il n'y a qu'environ 60 000 personnes sur la planète qui ont réussi à percer le sixième voile. L'ironie ici est trop incroyable. Ceux qui sont coincés derrière les voiles 1 à 5 n'ont guère d'autre choix que de voir les gens qui ont percé les voiles au-delà d'eux comme dangereusement fous. Avec chaque voile percé, le nombre exponentiellement décroissant de personnes de plus en plus éclairées est considéré comme fou par des masses exponentielles croissantes de personnes de moins en moins éclairées. Ajoutons à l'ironie, plus un sixième ou meilleur voile tente d'expliquer ce qu'il est capable de voir à ceux qui ne le peuvent pas, plus il leur apparaît fou. Cette vérité est évidente. De plus, des institutions telles que le vénérable Centre de la Loi pour la Pauvreté du Sud sont formées et financées par l'élite dirigeante pour qualifier efficacement de nombreux individus ainsi éveillés de haineux ou de terroristes. Notre ennemi, l'État. Derrière les deux premiers voiles, on trouve la grande majorité des habitants de la planète. Ce sont des outils de l'État. Les deuxièmes voilés sont des électeurs crédules dont l'ignorance justifie les actions des politiciens qui envoient des millions de premiers voiles pour mourir dans des pays étrangers comme de la chair à canon. Leurs postes combinés dans la vie sont simplement de croire que les machinations égoïstes de l'élite du pouvoir sont des questions de sécurité nationale et valent la peine d'être tués. Troisième, quatrième, cinquième et sixième voilés sont de plus en plus responsables envers l'État en raison de leur capacité décroissante à être utilisés comme outil pour consolider le pouvoir et la richesse du grand nombre dans les mains de l'élite du pouvoir, peu nombreux. Il est aussi courant que ces personnes sacrifient davantage leurs relations avec leurs amis et leurs familles, leur carrière professionnelle et leur liberté personnelle à chaque voile qu'elles percent. Albert J. Nock, 1870-1945, auteur de « Notre ennemi, l'État » en 1935, a expliqué ce qui arrive à ceux qui trouvent et embrassent les deux derniers voiles. Quel était le mieux que l'État pouvait trouver à faire avec un Socrate actuel et un Jésus réel quand il les avait? Simplement empoisonner l'un et crucifier l'autre sans raison, car ils étaient trop gênants pour vivre plus longtemps. Conclusion. Comme Don Harkins l'a écrit, et maintenant nous savons que ce n'est pas parce que nos compatriotes sont tellement engagés dans leur vie qu'ils ne veulent pas voir les mécanismes de leur esclavage et de leur exploitation. Ils ne peuvent pas le voir, aussi bien que je ne peux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté d'un rideau fermé. Le but de cet essai est triple. En un, aider la poignée de personnes dans ces derniers voiles à comprendre pourquoi les masses n'ont guère d'autre choix que d'interpréter leur clarté comme de la folie. En deux, aider les personnes derrière les deux premiers voiles à comprendre que la vie, la respiration et la pensée ne sont que le commencement. En trois, montrer aux gens que la plus grande aventure de notre vie se cache derrière le prochain voile, parce que c'est juste un voile de moins entre nous et Dieu, alias la plus haute vibration. Partagez. Sharpa One.